Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 241e épisode le 8 septembre 2021. Loot, un jeu qui vous fait gérer des loots, mais sans jeu, bon, vous comprenez rien, rassurez-vous, vous allez tout comprendre. Il y a aussi le Salvador qui se met en ordre de marche pour l'utilisation du Bitcoin comme monnaie courante dans le pays. Reddit et Facebook qui font contre mauvaise fortune bon cœur avec la gestion des contenus qu'ils hébergent. Apple qui met un coup de frein sur ses mesures anti-pédopornographiques, mais surtout, tenez-vous bien, ABBA se reforme. Oui, vous avez bien compris, le groupe au tube Dancing Queen revient dans un nouvel album et surtout en avatar dans une série de concerts, on va en parler. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce qu'ABBA, Volvo et les Chris Prolls sont à la Suède, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume. Et oui, voilà, bah exactement, comme Husqvarna aussi, non? C'est pas eux aussi, c'est pas suédois aussi? C'est nordique, je sais plus. J'en suis pas sûr, mais je miserai pour, effectivement, tu as raison, probablement Husqvarna. Tiens, dites-nous toutes les marques que j'ai pu oublier dans cette analogie qui pourrait se rapprocher à la Suède, ça fait toujours plaisir. Bah, Ikea. Ikea, bien sûr, mais Ikea, formidable Ikea. Qu'est-ce que j'ai pu passer du temps chez Ikea. C'est très bien pensé, Ikea. On en reparlera. Un avis Apple Podcast ou pas. Effectivement. On a un avis d'Apple Podcast qui a été déposé par Maxime 14. Alors, il l'a déposé en juillet. Donc, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit « Ça fait un an que Tech Café se retrouve dans ma bibliothèque de podcasts. Je l'écoute régulièrement. C'est un bon complément du rendez-vous tech. » Alors déjà, je fais une petite parenthèse pour dire que ça fait super plaisir de voir qu'il y a des personnes qui écoutent Tech Café depuis moyen longtemps, c'est-à-dire pas depuis que Tech Café existe, parce que ça fait de nombreuses années maintenant, pas trop récemment non plus, mais que il est suffisamment qualitatif ce podcast pour qu'il reste dans votre bibliothèque pendant un an, donc bah déjà ça, un grand merci. Et puis, ça fait aussi un an que je souhaite vous dire que vous avez vraiment un travail à faire côté son pour égaliser vos voix. En effet, vous n'avez pas du tout la même puissance vocale, et vous écouter pendant une course à pied n'est pas facile, il faut régulièrement augmenter ou diminuer le volume. Alors, Maxime, bon, déjà deux choses, d'une part, je t'encourage dans ta course à pied pour que tu aies les meilleures performances possibles et que tu passes un bon moment en notre compagnie. Et puis la deuxième chose, c'est que cet été, on a fait un petit changement de matériel. Donc surtout, si vous avez laissé ce type d'avis et que vous constatez du changement, allez mettre à jour votre avis. Ça fera évidemment très plaisir. Et puis si vous avez encore des remontées à faire, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, on sera évidemment ravis d'en prendre connaissance. Et en fait, ce qui est bien, c'est que des équipements de ce type, c'est d'autant plus facile quand on est soutenu financièrement. Et pour le coup, vous avez été une fois de plus nombreux à venir vous inscrire là ces derniers temps pour devenir plus qu'un auditeur et soutenir Tech Café sur Patreon. Un très gros merci à Pierre Lefrançois, à Tari Rock, à Samuel Frucht, à Franck Birk, Jess Chris et Alexandre Benoît. Merci beaucoup à vous. Patreon, c'est quoi? Déjà, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N et c'est un espace qui vous permet de débloquer des avantages exclusifs pour le prix d'un café par épisode. Ça permet de rémunérer notre travail et vous assurer de la longévité du podcast. Parmi les avantages, j'espère que je vais vous donner envie, tenez-vous bien, le chapitrage des épisodes, c'est pas mal, mais surtout l'absence de publicité grâce à un flux privé du podcast auquel vous seul pouvez accéder. Allez jeter un coup d'œil, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. On a gagné aussi, depuis le dernier épisode, avant qu'on parle de nos news, de notre contenu éditorial, je voulais vous informer qu'on a gagné pas mal d'abonnés à Tech Café sur l'application Tumult, que j'avais cité au début du précédent épisode. Alors je renouvelle évidemment mon appel pour vous inviter à tester cette app et notamment ses fonctions d'interaction. Donc vous pouvez commenter les épisodes à un moment précis du podcast et puis on voit votre commentaire, on voit à quel moment précisément vous avez réagi et puis on peut discuter, répondre. C'est plutôt cool, l'app est gratuite, ça s'appelle donc Tumult et ça s'écrit T-U-M-U-L-T. Dans le courrier des lecteurs, on doit aussi mentionner le retour de monsieur Luc Julia qui nous écoute et ça nous fait évidemment toujours très plaisir, bon, d'une part qu'il nous écoute mais en plus qu'il réagisse, puisqu'on avait parlé dans le dernier épisode à la fin, si je dis pas de bêtises, de Facebook Workrooms et il a réagi. Luc, on a été incomplet sur le retour qu'on faisait, Guillaume. Oui, en fait, il est tout à fait possible de se connecter à une salle Workroom sans être, sans être sur Facebook. Disons que c'est possible, mais évidemment, celui qui crée le truc doit avoir un Quest et donc il doit être effectivement connecté à Facebook. Mais disons que tout le monde, enfin, disons, les participants n'ont pas forcément à avoir de compte, j'ai l'impression. Mais ça, c'est déjà un bon point. Ça ressemble un peu au fonctionnement de FaceTime par Apple avec la prochaine version du système d'exploitation où on peut créer une chambre FaceTime uniquement en partageant un lien. Il n'y a pas besoin de compte en face pour y accéder. Je pense que ça devient maintenant, ça fait partie des standards de ce type de service maintenant. Allez, sans autre forme de procès, l'actualité de cette semaine va tourner autour de plein d'effets buffs, des effets buffs que Guillaume a sélectionnés pour cet édito de cet épisode 241 de Tech Café, à commencer par Loot. Guillaume, tu m'as fait découvrir ce qu'était Loot. Je connaissais le principe des Loots. Alors, pour ceux qui connaissent pas le mot, moi, je l'avais découvert quand j'étais très activement présent dans World of Warcraft. Un Loot, c'est tout simplement un objet qu'on arrive à avoir et que le personnage peut récupérer dans un jeu vidéo. Il y a évidemment une foultitude de mises en application des loots, mais là, ça va plus loin, Guillaume, dans cette proposition. Alors, plus loin ou moins loin, c'est vrai, c'est un petit peu la... c'est vrai. C'est un petit peu la dernière de Dominique. Fast and Furious, hein, c'est Dominique Hoffman. Dominique Hoffman qui est un mec plutôt actif. Alors, c'est celui qui a cofondé Vine, et puis son successeur Byte, d'ailleurs, qui a été racheté par Clash au début de l'année. Entre-temps, il a fondé Pitch, qui est un réseau social, donc je suis pas la meilleure personne pour en parler, on va dire. Mais bon, on suit ça d'un regard extérieur quand même, même si on les a pas testés. En tout cas, il a appris à programmer sur Ethereum dernièrement, et il est à fond blockchain et app décentralisée, et donc il fait des expériences. Alors d'abord, il y a eu Bitmap, puis Loot. Donc Loot, ça veut dire butin, effectivement. Bon, Bitmap, c'est en gros, et Loot aussi, hein, ce sont des embryons d'éléments de jeux vidéo qui sont codés sur la machine virtuelle Ethereum. Donc Bitmap, en gros, c'est des icônes, il y a 1600 icônes. Honnêtement, ils sont pas très beaux. Après, ils sont 32 par 32. On dirait les trucs faits par paix. On dirait les dessins faits sur Paint au bon vieux temps. Ils sont vraiment pas très beaux. Après, voilà, c'est parce qu'évidemment, ils sont très très légers, donc ils sont en très très basse résolution. Mais ils pourront être dans le futur, être attachés à un lore, des mécaniques, etc. Et Loot, c'est pareil, mais c'est même un peu moins, puisque ce sont des sacs d'items aléatoires. Donc il y a 8000 sacs, et ils contiennent, alors je sais pas, par exemple, une armure de cuir durci, un anneau d'or, une ceinture ou une cape divine. Attention, il y a... Oui, c'est tout fantasy. Hein. C'est tout fantasy, et surtout, il n'y a rien d'autre que le nom. C'est-à-dire, c'est juste du texte. Il n'y a pas de stats, pas de code, pas de graphisme, rien. Il y a juste le nom des trucs. La seule chose qui rend... Pour certains, la chose intéressante, c'est que ce sont des NFT. C'est-à-dire que le sac contenant ce que je viens de dire, hein, par exemple, il est unique et il peut appartenir à Superpoupouille77, et ça, aussi longtemps qu'Ethereum fonctionnera. Et pour le coup, Hoffman ne fait pas payer ses NFT, ses sacs à loot. Hein. Il les a donnés à qui voulait bien payer les frais de gaz, parce que oui, cette plaisanterie a quand même utilisé pas mal de gaz, puisqu'il a fallu minter 8000 NFT, et donc qui dit gaz dit électricité consommée, bien entendu. Bon. Et puis, en gros, il s'est constitué de fait une communauté, celle des gens qui ont des sacs de loot. Et ces gens peuvent donc s'échanger, ou plus souvent spéculer, évidemment, sur ces NFT, parce que, bien sûr, hein, s'échangent déjà à l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de dollars, tous ces trucs, tout ce que touche l'univers des cryptos, de toute façon, se transforme immédiatement en idiotie spéculative. Mais bon, au-delà de ça, Hoffman n'a pas explicitement fait ces trucs pour qu'ils s'échangent des fortunes, encore que. Bon, certains items, évidemment, sont plus rares que d'autres, donc... En tout cas, c'est pas explicitement perceptible dès qu'on aperçoit le principe du dispositif. Non. En fait, lui, il dit qu'il a fait ça pour initier la création d'un métaverse. Et oui, encore cette histoire de métaverse, hein, parce qu'en gros, le principe, c'est que maintenant qu'il existe des items qui sont permanents, enfin, tu vois, des noms d'items permanents, la communauté pourrait créer un jeu ou un univers autour qui, lui aussi, serait décentralisé, voire, limite, plusieurs univers, mais qui tous tourneraient sur la machine virtuelle Ethereum, et qui donc serait interopérable. Là, le sac de loot, en fait, serait capable de serait valable partout. C'est-à-dire, votre loot vous suit pour la vie, quoi. Donc, on rejoint un petit peu l'idée de Zuckerberg, mais par un autre chemin, par une autre voie. Bon, je vais le dire immédiatement, d'un point de vue énergétique, évidemment, développer un métavers sur Ethereum 1 en particulier, c'est une aberration, puisque l'efficacité énergétique d'Ethereum 1 pour les transactions, elle est mauvaise. C'est pas mieux pour exécuter du code, hein. Je veux dire, minter des objets coûte beaucoup de watts, les smart contracts coûtent beaucoup de watts, et énormément plus qu'un code standard. Bien entendu, c'est pas fait pour ça, en fait, hein. Les smart contracts ont beau être complètement génériques, tu peux coder vraiment ce que tu veux dedans, ce sont des vrais programmes, mais c'est pas fait pour des applications, en fait, hein, des applications lourdes, tu peux faire des tout petits trucs, tu vois. Mais bon, admettons temporairement que tout ça va s'arranger avec Ethereum 2, qu'on peut trouver bientôt une blockchain sans proof of work, que je pourrais arrêter de râler sur ça. Le but, ce serait de créer des jeux, des apps, qui dépendent d'aucun éditeur, d'aucun pays, aucune boîte, hein, et qui existent tant que le réseau existe. Donc des mondes créés sur une base commune par le collectif. Donc c'est vrai que c'est ambitieux et séduisant, tu vois. Bon, Force est de constater. Ah, alors ça m'intéresse, parce que qu'est-ce que tu trouves de séduisant dans l'intention? On met de côté, Guillaume, la partie énergétique aberrante qu'on a tous identifiée, on la met de côté. Maintenant, qu'est-ce que tu trouves de séduisant? Parce que j'avoue que quand je continue à creuser, j'ai du mal à trouver justement ce qui est séduisant en soi là-dedans. Bah, c'est simple, hein. Ton jeu favori, admettons que ton jeu favori c'est World of Warcraft, t'es content, t'es World of Warcraft. Bon, bah, demain, du jour au lendemain, Activision décide de virer les serveurs parce qu'ils sont plus rentables, tu peux plus jouer à World of Warcraft. Voilà, ça existe. Ok, c'est une réponse à ce que tu as à plusieurs reprises décrié dans Tech Café, qui est la maintenance quelque part historique et culturelle du jeu vidéo. Et par exemple, on peut citer les initiatives de Nintendo de mettre à mal les sites qui hébergent des ROM d'émulation de jeux de consoles qui sont passées. Évidemment, pour eux, ils y voient une problématique légale, mais il y a des vocations aussi culturelles au-delà du simple aspect où moi je veux jouer à un vieux jeu et pas le payer, ou d'ailleurs un jeu récent et le pirater. Mais en tout cas, il y a cette vocation culturelle, et là on pourrait imaginer qu'il y a une notion un peu éternelle finalement dans ce patrimoine culturel. Et puis pareil pour ton personnage, ton équipement, deviennent interopérables, c'est-à-dire qu'ils sont sur la blockchain, tout le monde va sur la blockchain chercher les informations, et quelque part, si tu changes d'univers, admettons qu'il y ait deux, voilà, tu veux passer sur Guild Wars 2, bon ben voilà, tu gardes ton loot, il n'y a pas de problème, tu gardes ton perso. Est-ce que En tout cas, ça peut être séduisant. Alors évidemment, hein, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Je sais pas, tu vois. Est-ce que si t'as un super perso de haut niveau sur un jeu, tu vas passer sur un autre jeu, est-ce que c'est... Bon, voilà, est-ce que c'est pas mieux de repartir finalement fraîche plutôt que de balader toujours le même perso? Bon, je sais pas, mais disons que ça ouvre des possibilités comme ça qui sont pas inintéressantes en soi à imaginer, tu vois. C'est ambitieux, c'est séduisant. C'est même très ambitieux, parce que quand même, force est de constater qu'on n'y est pas du tout, en fait. Et on met quand même bien la charrue avant les bœufs, quoi. Parce que on n'a pas de blockchain efficace qui supporterait des applications complexes pour exécuter du code complexe, tu vois. Faire un serveur avec des milliers de participants simultanés, par exemple, hein, comme je viens de dire, qui s'exécuterait en décentralisé, c'est complètement de la science-fiction. On en est vraiment très très loin pour l'instant. On peut faire que des tout petits trucs, en fait, en décentralisé. Et de l'autre côté, l'interopérabilité totale, la communauté, la transparence, l'open source, tout ça, c'est cool. Mais heureusement, ça existe déjà quand même. Hein. Donc, tu vois, l'idée de passer un serveur de jeu sur une VM globale est séduisante. Mais pour l'instant, c'est vrai que on ne présente pas, tu vois. Là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne présente pas une machine, ni même un white paper pour une machine virtuelle mondiale séduisante qui soit puissante et efficace énergétiquement. Tout ce qu'on présente, c'est des lignes de texte, hein, qui sont devenues quelques NFT de plus. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à être convaincu pour le moment, même si voilà, la vision peut-être de long terme peut effectivement avoir un intérêt au niveau intellectuel, disons. Ouais, on est sur des bribes et des embryons de réflexion sur un dispositif. Je trouve quand même qu'effectivement, c'est une mauvaise réponse à un semi-vrai problème, mais peut-être que ça identifie des choses qui pourraient arriver à l'avenir que moi, je n'arrive pas à voir aujourd'hui. Et après tout, tant mieux, mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de regarder d'un œil critique tout ce qui tourne autour des NFT. Si vous avez écouté les précédents épisodes de Tech Café, vous êtes déjà bien aguerris sur le sujet. Vous êtes aguerri aussi en matière de crypto-monnaie, parce qu'évidemment, là, ça y est, là, on va voir, là, qu'est-ce qui se passe? Le Salvador avec le Bitcoin, Guillaume. Ben oui, ben dans la série Mettre la charrue avant les bœufs, il y a aussi El Salvador, hein. Donc hier, le 7, hein, le Bitcoin devenait une monnaie légale, comme le dollar, là-bas. D'ailleurs, le pays a acheté 200 Bitcoins supplémentaires, ce qui porte son capital à 400 Bitcoins. Donc, il y a une app wallet qui s'appelle Chivo, qui a été lancée, et donc il y a $30 de cadeaux dès que tu t'es inscrit, quoi. Et bon, depuis l'annonce, on peut dire qu'il y a quand même de l'inquiétude, du scepticisme, hein, et en particulier dans le pays lui-même. Parce que bon, deux tiers des Salvadoriens ne veulent pas être payés en Bitcoin. Ça, c'est embêtant. Je pense que 99... Bon, après, il peut y avoir un problème d'adhésion au départ. Oui. On pourrait peut-être essayer de les convaincre, mais bon, quand même. Disons que 99 estime que la bonnaie stable, c'est le dollar et pas le Bitcoin, ce qui n'est pas complètement faux. Quant aux bénéfices qu'avait apporté le Bitcoin, c'est pas clair du tout. Parce que bon, rappelons quand même qu'un des principaux arguments de Bukele, donc le président, hein, en faveur du Bitcoin, c'était que le Salvador était le pays qui reçoit le plus de fonds en transfert de l'étranger. Presque 21% du PIB vient comme ça de transferts de fonds extérieurs par des Salvadoriens qui sont à l'extérieur du pays. Donc le Bitcoin devait servir à faire baisser le coût du transfert, ce qui est complètement démonté en fait par une étude de l'université de Johns Hopkins, qui passe en revue un petit peu les différents montants des commissions des services comme Xoom ou Western Union. Et c'est entre 6 et 1% selon le montant et le prestataire, donc il y a une moyenne environ de 2,85%, et la tendance est plutôt à la baisse. Et pour transférer du Bitcoin, ben, c'est pas gratuit, hein. Il y a des frais pour le réseau. Et puis, il faudra bien convertir au départ les dollars en Bitcoin. Et ça coûte en général 5% du montant. Et puis, il y a aussi les frais de l'ATM pour retirer des espèces le cas échéant. Bon, globalement, l'étude conclut que tout compte fait, ce sera plus cher d'utiliser les Bitcoins pour envoyer des dollars au Salvador, puisque le pays est dollarisé depuis 2001. Bon, ça, c'est déjà quelque chose. Mais c'est aussi un gros problème macroéconomique, en fait, le Bitcoin au Salvador, puisque le commerce international, il utilise le dollar, hein, pas le Bitcoin. Or, pour le Salvador, les importations, c'est 12 milliards de dollars, les exportations, c'est 6 milliards, et les transferts de fonds, c'est à peu près aussi 6 milliards. Donc, il y a une sorte d'équilibre entre les deux, donc entre les 12 milliards d'exportations et donc les transferts de fonds, et voilà. Bon, utiliser le Bitcoin plutôt que le dollar pour les transferts de fonds, non seulement ça occasionne des frais de conversion, mais ça va surtout aussi bloquer ces fonds. Parce que qui va vendre des pays, qui va vendre des biens au pays en se faisant payer en Bitcoin ? Admettons que les transferts de fonds soient faits tous en Bitcoin. Ben, le pays, il aura des Bitcoins et ils vont faire quoi ? Ce sont des fonds qui sont virtuellement bloqués, ce sont des milliards bloqués. Ça va complètement déséquilibrer la balance commerciale du pays. Tu vois, le pays ne va pas acheter sur le marché international avec des Bitcoins. Il y a pratiquement personne qui les accepte. Donc, ça va être un gros souci, en tout cas, dans l'immédiat, si justement il y a beaucoup de gens qui utilisent ce truc-là. Et pour finir, tu te souviens qu'il y a cette espèce d'histoire de géothermie. Le président voulait faire de la truc des... Il veut capitaliser sur les volcans. Oui, hein. C'est ça. Donc voilà, bon, ils ont des experts en géothermie, effectivement, là-bas, hein, parce que, voilà, ils ont des centrales géothermiques, c'est super. Mais eux, justement, ils sont plutôt critiques face aux annonces de Bitcoin miné sur l'énergie des volcans, parce que Bukele avait parlé d'un nouveau puits qui était soi-disant capable de produire 95 mégawatts. Ben, si tu interroges les experts, un puits comme ça, ça n'existe pas. Aucun puits ne peut produire autant. Le puits le plus productif au monde, c'est 40 mégawatts. Et dans le pays, c'est 20 mégawatts. Et puis ensuite, ben, le puits, il va falloir le forer, parce qu'on ne sait pas où il est, il n'a pas dit, hein, on ne sait pas, où, on sait pas de quel puits il s'agit. Donc s'il faut le forer, l'équiper, ben, tout ça c'est cher, hein, ça coûte 20 millions de dollars au minimum, et c'est un truc de moyen terme, ça prend 4 ou 5 ans à tout terminer, au moins. Et en attendant, il faut voir que le prix du kilowattheure au Salvador, c'est dans les 12 centimes, 12 cents plus exactement. Donc c'est beaucoup trop cher pour les mineurs, qui n'ont aucune raison de venir. Je veux dire, le prix du kilowattheure en Mongolie, ça doit être 3 ou 4 cents, enfin, ça n'a pas de sens. Et je parle même pas des températures tropicales du pays, hein. Souvenez-vous qu'un mineur, ça recherche du froid et de l'électricité pas cher. Donc, techniquement, bah, ça tient pas plus qu'économiquement en fait. Hein. Le Salvador, c'est un pays pauvre, qui a des besoins de base non satisfaits dans la société. Le Bitcoin, c'est une industrie ultra énergivore, alors qu'il y a encore 5% des gens au Salvador qui s'éclairent à la bougie quand même. Hein. Et pour couronner le tout, bah, c'est un secteur qui ne crée virtuellement pas d'emploi. Tout tourne tout seul et ça crée pas de boulot. Donc tout ça, c'est quand même très dur à digérer pour de nombreux Salvadoriens. Ça pose vraiment question sur l'intention de la part du Salvador. Et quand on regarde la photographie que tu fais sur les importations, les exportations et les envois de fonds, tu te dis que finalement, il pourrait presque y avoir plus de viabilité si jamais ils n'étaient pas seuls à faire à prendre cette décision d'utiliser le Bitcoin ou de reconnaître en tout cas le Bitcoin comme monnaie officielle. Je fais une petite parenthèse pour dire que sur la fiche Wikipédia, quelque part, c'est un peu émouvant, hein, tu vois, économie, monnaie, dollar américain, bitcoin. Mais on aurait pu imaginer au même titre qu'il y a des espaces économiques, géographiques qui se sont montés dans le monde. Bah, évidemment, l'espace économique européen, mais il y a d'autres espaces économiques, géographiques. On pourrait imaginer qu'il y ait comme ça plusieurs pays qui se lancent dans des espaces économiques numériques et pour justement faciliter les échanges et les transactions en bitcoin. Ça ne change absolument pas le problème, hein, en matière de consommation énergétique et de rentabilité, mais... Peut-être que ça pourrait être une des pistes qui pourrait être explorée pour cet aspect-là spécifiquement. Ouais, mais en même temps, j'essaye, hein. Les autres pays, ils ont peut-être pas envie de devenir un paradis fiscal et une destination privilégiée pour le blanchiment d'argent, parce que soyons clairs, hein, ça n'en a pas forcément pas là, je n'ai pas parlé, mais c'est aussi un gros danger. C'est un élément historique, donc il faut l'avoir bien en tête en ce mois de septembre 2021. Faut pas charrier, LinkedIn a abandonné une fonctionnalité qui... Enfin, moi, personnellement, je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait se passer avec cette fonctionnalité quand elle avait été annoncée et intégrée sur le réseau social. Donc LinkedIn abandonne les stories, que vous connaissez probablement bien sur Instagram ou sur Snapchat. Et Twitter abandonne également les stories, mais qui ne s'appelaient pas des stories, c'était très différent, c'était les fleets. Mauvaise période et mauvaise météo pour les stories, Guillaume. Ouais, bah pas tant que ça, mais disons que 3 quand même. Bah, sur LinkedIn, effectivement, LinkedIn s'est rendu compte que tout simplement les stories, ça n'intéressait pas les gens parce que ce qu'ils veulent faire, c'est des vidéos qui durent. Hein. Ils en ont pas rien à foutre, en fait, de faire des vidéos qui disparaissent, quoi, tu vois. Bon, voilà, c'est pareil pour les flits. Les flits, ça n'a pas rencontré son public, donc c'était les tweets éphémères. Finalement, non, le fait que les tweets éphémères existent, ça renforce pas les gens, ça augmente pas l'adhésion, donc bon, bah voilà, les flits sont morts aussi. Écoute, bon, on verra ce que donnent les super tweets, puisque pour le coup, Twitter inaugure une nouvelle fonctionnalité, je sais pas si t'as vu ça. Alors, pour l'instant, ça n'existe qu'aux États-Unis et au Canada. Si tu as 10 000 followers ou plus, tu peux ben, juste rendre tes tweets payants. Voilà, enfin, en tout cas, une partie de tes tweets payants, donc à partir de 3$ et jusqu'à 9,99$, tu peux faire payer pour une certaine partie de tes tweets qui seront exclusifs aux gens qui te soutiennent. Bon, voilà, c'est plus pour le soutien que pour autre chose, parce que je vois pas très bien une grosse valeur ajoutée sur des tweets qui pourraient justifier 10$ par mois, mais clairement, c'est sans doute du soutien à la Patreon, quoi. C'est évidemment la fonctionnalité qui nous vient naturellement, surtout quand on a patreon.com/techcafé pour soutenir l'émission. Donc évidemment, c'est l'analogie assez évidente, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de ressources d'information professionnelles qui probablement peuvent être amenées à utiliser cette fonction. Tu vois, je vois un AFP par exemple qui est amené à diffuser du contenu qui est souscrit, hein, qui fait l'objet d'un abonnement pour des marques, pour des entreprises, notamment quand ils diffusent des photos, mais aussi quand ils diffusent de l'info. Bah, je pense qu'il peut y avoir des services comme ça un peu B2B qui peuvent être intéressants. Moi, c'est vraiment une des fonctionnalités de Twitter qui me semble la moins saugrenue, en fait, qui viennent de sortir. Ils ont annoncé pas mal de choses ces derniers temps qui n'étaient pas très viables. Je trouve que ça fait partie de ces fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes et viables, sur lesquelles il peut y avoir des usages intéressants. Mais t'as raison, la fonction de soutien est celle qui est la plus évidente. Je voulais juste revenir 10 secondes sur les stories. Je pense, moi, que l'explication la plus forte sur l'abandon des stories par LinkedIn et par Twitter, c'est avant tout parce que on n'a pas envie d'avoir plusieurs environnements où il y a des stories. Et je suis convaincu que les gens, quand ils veulent des stories, ils les ont sur Instagram, ils les ont sur Snapchat, et déjà, ça fait deux espaces. On essaye de leur proposer sur Facebook, mais soyons clairs, très très peu de monde les consulte sur Facebook. Et du coup, je pense que tout simplement, ça fait partie de ces fonctionnalités sur lesquelles, bah, quand t'as un ou deux services qui le fait bien et qui a beaucoup d'audience, t'as juste pas envie de répartir ces usages-là sur d'autres réseaux sociaux. C'est aussi probablement parce que les réseaux sociaux n'étaient pas adaptés, mais je pense que les gens n'ont pas envie d'avoir plein de stories partout. On va continuer quand même sur les réseaux sociaux, ou en tout cas sur les plateformes d'information et d'échange d'informations en ligne, en parlant de Reddit. Il faut qu'on parle de Reddit. Moi, j'avoue que j'ai encore énormément de difficultés. Je me force de temps en temps parce que je sais que c'est un canal important d'information. C'est là où arrive l'information en premier, probablement sur le net, avant même les autres réseaux sociaux. Donc Reddit est très prisé quand on fait une veille, quand on veut avoir des espaces d'échange. Moi, j'avoue que j'ai énormément de mal. Je suis pas du tout dans la philosophie Reddit, dans ses usages. J'essaye de temps en temps, mais j'ai été très impressionné du montant que valait Reddit maintenant, Guillaume. Et ouais, désormais 10 milliards de dollars. Voilà, ça y est, il pèserait 10 milliards de dollars. D'ailleurs, il a fait pour la première fois 100 millions de chiffres d'affaires, par la pub, évidemment, comme tout le monde. Donc il veut rentrer en bourse et peser comme Facebook et Google. Et bon, c'est vrai que pour le moment, il a déjà les scandales et puis à peu près la mollesse générale, hein, dès qu'il s'agit de faire le ménage dans les conneries qu'il héberge. Bon, il a fini par geler 54 subreddits Covid sceptiques, d'ailleurs, les subreddits qui ne croient pas au virus, quoi. Hein. Mais c'est pas parce que les flux diffusent en masse des infox qui peuvent pousser les gens à se mettre en danger, hein. Non, ça, non. C'est pour mauvais comportement. Parce que les mecs de ces flux en spammaient d'autres, tout simplement, et donc se montraient volontiers agressifs. Bon, et à la suite de cette décision un peu tordue, 135 gros subreddits sont passés privés. Que Reddit réagisse tardivement et uniquement parce qu'il y a un vrai scandale, c'est franchement pas nouveau. Bon, le problème de la désinformation, il s'est pas réglé tout seul pendant l'été, hein. C'est toujours aussi inquiétant, d'ailleurs, puisqu'il y a une enquête donc sur l'élection de 2020, qui a été menée sur Facebook par la New York University et un labo grenoblois, qui montre que les fake news... Cocorico. Eh oui, Cocorico. Les fake news ont 6 fois plus de clics que les vraies news, dans le sens 6 fois plus d'interactions, type like, share, etc. Donc c'est une étude qui, c'est une étude sur la période entre août 2020 et janvier 2021, donc c'est récent, hein, on ne parle pas de 2016 là. Donc après, c'est après tous les discours, les excuses, les mesures prises par Facebook. Bon, Facebook pointe le fait que ça ne mesure pas directement le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes qui voient effectivement les contenus. Et en effet, les chercheurs sont bien d'accord avec ça, puisque Facebook ne leur permet plus, puisqu'il a coupé au NYU son Ad Observatory le mois dernier. Donc voilà, il ne reste plus que les chiffres officiels, mais ces chiffres officiels sont très, comment dire, très contrôlés. Effectivement, c'est compliqué cette histoire. Alors déjà, pour préciser, les universités dont l'université grenobloise, je pense que ça fait partie de ces, si j'ai bien lu, des universités qui ont relu et qui ont fait du peer reviewing de l'étude, ce qui montre que justement l'étude, c'est pas simplement une publication d'une étude qui vient de sortir, mais c'est une étude qui a fait l'objet de relecture. Donc c'est intéressant aussi de souligner que c'est pas n'importe quelle étude, mais voilà, elle est plutôt qualitative. Effectivement, il y a quand même ce sujet de l'engagement versus les impressions. Dans le jargon, hein, les impressions, c'est le nombre de fois où une publication s'affiche sur un écran. Si elle s'affiche deux fois sur votre écran, deux impressions. Deux fois sur votre écran, plus une fois sur un mobile, trois impressions, vous m'avez compris. Et l'engagement, c'est la somme des actions que peuvent faire les gens dessus. Donc, quand ils font un like, un commentaire, un partage, un clic sur une publication, tout ça, c'est un engagement en plus. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Facebook décorrèle ces deux aspects en disant oui, mais ce sont des publications qui font beaucoup d'engagement, peut-être, mais elles sont pas beaucoup vues. Et pourtant, c'est terrible parce que on sait très très bien que la manière dont fonctionne Facebook fait que c'est aussi largement l'engagement qui rend visible les publications. Et l'algorithme a tendance à évidemment beaucoup plus valoriser des publications qui ont beaucoup d'engagement. Donc il y a évidemment beaucoup de mauvaise foi, je pense, derrière la position de Facebook qui l'eût cru. Donc bon, intéressant encore une fois de suivre cette étude. Dernier sujet qui a fait un effet bœuf dans l'actualité, je ne sais pas si tu l'as suivi, Guillaume, on n'a pas eu l'occasion d'échanger, je t'ai rajouté ça un petit peu dans le conducteur à la dernière minute, c'est ce qui se passe autour de la plateforme Tipeee. Bon, bah maintenant, vous connaissez bien Patreon, puisque vous avez bien écouté ce en quoi ça nous aidait, et bah, sachez qu'il y a aussi une plateforme française équivalente à Patreon qui s'appelle Tipeee, ça s'écrit T-I-P-E-E-E, et d'ailleurs, Tech Café s'est appuyé sur Tipeee pendant plusieurs années avant de basculer sur Patreon. Et il y a une affaire un peu compliquée dernièrement suite à une prise de parole des deux dirigeants, des deux fondateurs de Tipeee qui se sont exprimés au sujet des contenus. Alors il faut quand même rappeler que le documentaire Hold Up, qui est un documentaire évidemment très controversé dont on avait déjà parlé dans ta café, on avait relayé cette affaire-là, avait été financé grâce à Tipeee. Et malheureusement, on commence à voir de plus en plus que sur Tipeee, il y a des choses qui sont assez limite, très borderline, et les dirigeants ont été interpellés sur le sujet, et ils se sont exprimés alors, avec des mots extrêmement maladroits. En gros, l'idée, c'était de dire que ce soit complotiste ou pas, un petit peu antisémite ou très antisémite, en tout cas, ils assumaient tout, et évidemment, ça a fait un petit peu branle-bas de combat de la part de pas mal de créateurs qui étaient soutenus grâce à Tipeee, qui ont tout simplement fermé leur page et qui refusent évidemment ce type de prise de parole. Alors, ils ont essayé de reprendre la communication sur le sujet derrière en disant qu'ils avaient quand même à la base un certain nombre de filtres et de critères de qualité avant de valider une page Tipeee. Mais évidemment, ça sent beaucoup de maladresse à la fois dans la prise de parole au départ, mais ça sent aussi la maladresse dans les éléments de communication derrière. C'est vrai que Tipeee, une fois de plus, est pointé du doigt sur les éléments qui sont financés. Bruce Benhamran, qui est un YouTuber que vous connaissez probablement derrière la chaîne Y Penser et qui est actionnaire de Tipeee, tend à, je dirais, les défendre et en rappelant que ce type de plateforme, c'est compliqué pour eux de discerner ce qui est légal et ce qui est illégal, et que leur rôle est tout simplement dans le fait d'appliquer la loi. En fait, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup quand je mets côte à côte les informations que tu as données, Guillaume, sur Reddit, sur Facebook, et là, sur Tipeee, c'est que on est encore en 2021 en train de discuter de la responsabilité des plateformes. Je pense que ce débat-là, il devrait être clos définitivement, et que toute plateforme ne pourrait plus maintenant se cacher derrière ce qui a été présenté pendant longtemps comme étant la liberté d'expression. Rappelons encore une fois que le premier amendement des États-Unis, c'est pas les plateformes doivent autoriser tous les discours, très loin de là, c'est une très mauvaise interprétation du premier amendement. Je sais pas si t'avais suivi, Guillaume, cette affaire autour de Tipeee de ces derniers jours, qui fait un peu mal au cœur malgré tout, c'est une plateforme française, qui est probablement qualitative sur plein d'autres aspects, mais sur son contenu, ça laisse un peu à désirer, quoi. Ouais. Enfin, je l'ai pas trop regardé, mais enfin, si tu veux, pour moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est éthique. Je veux dire. Exactement. Ouais. C'est quoi ton éthique en tant que boîte? C'est tout. Pose-toi des questions là-dessus, quoi, surtout. Et voilà. Bon. Absolument. Il faut arrêter de se cacher, je pense, en 2021, derrière la légalité et effectivement l'éthique de ce que tu veux mettre en avant sur Internet. On va changer de rubrique, on va aborder plein d'autres news aussi qui vont se succéder, on va parler d'une autre plateforme, ça vous aura peut-être étonné, mais il y a du changement du côté d'Apple, qui change sa politique en tout cas sur l'App Store. Alors attention, hein, je mets tout de suite des bémols, vous attendez pas à des bouleversements fondamentaux, mais bon, quand même, et qui revient un petit peu en arrière sur ses actions en matière de lutte contre la pédopornographie, qu'on avait un petit peu relayé cet été. Je crois que tu n'avais pas eu l'occasion, Guillaume, de t'exprimer sur ces fonctionnalités qui étaient annoncées par Apple. Oui, non, bah c'est vrai, d'ailleurs, on va faire un petit lot comme ça. Donc oui, c'est vrai qu'Apple vient de changer ses règles, donc ses règles App Store, hein. Elle laisse désormais les apps proposer des liens vers des sites externes où ils pourront s'inscrire et payer, donc hors de l'App Store. Et donc, ça concerne les lecteurs médias, comme Spotify ou Netflix, mais ça ne concerne pas les jeux. Donc, Epic, il a dans le baba. Bien sûr, il a fait ça de son plein gré, Apple, hein, de son plein gré, contraint et forcé par une décision de la JFTC, qui est la Japan Fair Trade Commission, donc c'est l'autorité japonaise de la concurrence. Donc, Epic n'est pas content, évidemment, et Apple dit, comme d'hab, que c'est pour la sécurité. Ce qui ne convainc pas d'Emma Steam, Tim Sweeney, bien sûr, parce qu'il faut dire que la majorité des revenus App Store, bah, c'est fait par les jeux. Donc, on comprend un petit peu mieux. Donc, d'après Apple, c'est parce que les lecteurs médias offrent des abonnements, mais pas des microtransactions pour des biens virtuels. Mais ça, c'est assez douteux, puisqu'on peut acheter ou louer des films. Hein. Donc, voilà. Et Spotify est solidaire d'Epic, soulignant qu'une politique cohérente pour tout le monde, ça serait pas mal. Bon, du reste, ce ne sont pas les seuls. Hein. Il y a une loi américaine qui a un examen au Congrès aussi un petit peu là-dessus. La Corée du Sud, pareil, planche dessus. Donc le principe d'imposer le service de paiement in-app commence à attirer quand même des critiques d'un petit peu partout. Mais bon, c'est pour la sécurité, non ? Effectivement, c'est comme le pédofiltre. Ce fameux pédofiltre qui a donc défrayé la chronique. Hein, donc ce filtre à pornographie infantile d'Apple donc, qui a suscité plein de discussions. Vous en avez parlé ici même hein, cet été, il me semble. Hein. Avec Brandon. Tout à fait. Donc le principe est simple, hein, j'en rappelle juste en deux secondes, votre iPhone scannerait toutes les photos envoyées sur iCloud, donc par défaut toutes les photos, pour voir si elles sont dans une base de photos pédopornographiques. Donc si c'est le cas, plus de 30 fois, une alerte est lancée. Pourquoi 30 fois ? Ben, c'est parce qu'il peut y avoir des faux positifs. Bon, le faux positif c'est possible, 30 faux positifs c'est très peu probable, et en plus, de toute façon, c'est hautement probable qu'un pédophile ait plus de 30 photos porno en sa possession. Bon, soit évidemment, on ne peut pas vraiment être contre la lutte contre la pédophilie, hein. Mais bon, avec les meilleures intentions du monde, évidemment, Apple met en place un système qui, sans modification majeure, peut filtrer et flaguer n'importe quoi. Et ça a alerté pas mal de monde, parce qu'il y a quand même pas moins de 90 organisations qui ont adressé une lettre ouverte à Apple contre le système. Bon, depuis, Apple a annoncé qu'il allait retravailler et réfléchir à son système, mais il n'a pas dit comment, et surtout, il a bien dit qu'il n'y renoncerait pas. Donc Apple s'est mis tout seul comme un mât dans une position un peu compliquée, parce que c'est vrai que c'est difficile de se vanter d'être le champion de la vie privée de ses clients tout en scannant chacune de leurs photos. Doit-on s'inquiéter ? Bah oui, probablement. Après tout, Apple c'est pas le dernier pour obéir à toutes les injonctions du gouvernement chinois, comme faire d'ailleurs un article du New York Times du 17 mai, j'ai mis le lien dans les notes de l'émission un petit peu au chausse-pied, mais vous le retrouverez. Donc Apple est présent sur ce marché, il veut le garder, et donc il obéit. Voilà, il obéira aux Chinois, c'est logique. Hein. Donc, combat pour la liberté d'expression, la vie privée, bah, c'est des foutaises. Si Apple veut rester en Chine, il fera ce que les Chinois disent, et puis c'est tout. En forme d'anecdote d'ailleurs, Apple censure ce qu'on peut graver ou non sur son appareil là-bas. Tu peux pas graver... Bon, pas que là-bas, hein. En France, si tu commandes un AirTag, tu peux pas faire graver ce que tu veux. Oui, mais donc tu peux pas faire graver grosse pipe, mais je veux dire, par contre, tu peux graver j'aime Winnie the Pooh, tu vois. Alors que... Ah, bien sûr, bien sûr. Là-bas, AirTag, là-bas en Chine, c'est pas pareil. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est parlant quand même. Hein. Et puis bon, appeler la Chine, c'est une grande histoire d'amour. Tous ces sous-traitants, ils sont... Le gouvernement a dépensé des milliards pour construire des routes et des usines, des centrales électriques hein, pour la supply chain d'Apple. C'est bien vu d'ailleurs, puisque le business d'Apple génère quand même 55 milliards de dollars par an là-bas. Donc effectivement, hein, flaguer du contenu pédophile, que de toute façon c'est illégal d'en posséder, hein, ça pose pas en soi de problème, mais que fera Apple si un gouvernement demande à utiliser son système pour ce qu'il veut prohiber, lui ? Des contenus politiques, des contenus déviants, selon lui. Comment va réagir Apple ? Est-ce qu'il va se retirer du marché ? Ou bien... On peut légitimement se poser la question. Et puis bon, c'est pas juste Apple de toute façon, hein, ça concerne absolument tout le monde, c'est pour tout le monde pareil. il y a un article de Gizmodo qui révèle que les modérateurs WhatsApp, et oui, il y a des modérateurs WhatsApp. c'est bien de le rappeler, on l'oublierait vite. Hein. Ah, oui, c'est surtout que ça paraît étrange, puisque c'est chiffré de bout en bout, n'est-ce pas? Mais oui, il y a des modérateurs WhatsApp, hein, et ils sont susceptibles de lire vos messages, en fait, puisque si les posts sont scannés par des intelligences artificielles. Mais s'il y a une alerte, les 5 derniers messages sont envoyés à un modérateur humain, qui peut lire ces 5 derniers messages. 5 messages qui sont liés d'ailleurs avec le profil et l'IP de l'utilisateur. Donc normalement, si vous n'êtes pas flagué, bon, c'est bon, mais évidemment, il y a énormément de faux positifs. Et bon, bah, d'ailleurs, si tu postes une photo de ton gamin, bah, l'IA, elle va peut-être le flaguer, tu sais pas. Donc il faut donner un contexte au modérateur aussi, c'est aussi pour ça qu'ils peuvent lire les trucs qu'il y a autour, tu vois. Mais bon, quand même, tu vois, il y a des gens qui lisent tes trucs, enfin qui peuvent, qui sont susceptibles de lire tes messages WhatsApp. Donc voilà, bon, en dernier point là-dessus, le scandale ProtonMail de cette semaine, c'est un peu la même chose. Ah oui, tout à fait. Oui, bah rappel peut-être, parce que c'est vrai que ProtonMail, Proton se présente souvent comme étant un défenseur encore plus acharné de la vie privée qu'Apple. Et là, bah il y a eu des infos un petit peu malheureuses puisqu'ils ont été amenés à donner des informations, notamment sur des adresses IP, aux autorités suisses, parce qu'en gros, Europol avait demandé aux autorités suisses de les demander. Donc oui, ça la fout mal. Ces messageries, c'est chiffré, sécure. Mais oui, mais bon, je veux dire. Europol a demandé les IP d'un groupe d'activistes français, hein, d'ailleurs. Voilà, ils ont demandé les IP. Et puis c'est Europol qui a demandé, c'est Europol qui a eu les infos, et puis c'est tout. Et d'ailleurs, ProtonMail a viré de son site la phrase « Enregistre pas vos IP ». C'est mieux, je pense. Voilà, c'est plus... plus honnête. J'ai plusieurs réflexions au sujet d'Apple, enfin en tout cas de cette gestion de la vie privée au sens large, mais qui évidemment s'applique particulièrement au cas d'Apple. C'est quand même, il faut qu'on rappelle que cette fonction d'identification sur la base de hash, de cette base de données de photos pédopornographiques, les autres acteurs le font déjà depuis longtemps. Microsoft, Cloudflare le fait, Facebook le fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très déroutant parce qu'en fait ils sont en retard par rapport aux autres et pourtant ils attirent la lumière sur eux en mettant en place ces actions après et du coup c'est un peu dommage. Moi ce qui me dérange plus c'est d'utiliser cette proposition technologique qui en soi je trouve quand même plutôt vachement bien en fait comme étant un prétexte sur l'avenir parce qu'en fait je pense que si une autorité et tu l'as très bien démontré on le voit très bien avec l'article que tu as mis dans les notes de l'émission en lien au sujet de son activité en Chine c'est que si jamais il a envie de se plier à des directives légales d'un pays et qu'il veut être présent commercialement dans ce pays il le fera et je pense pas que ce soit parce que il a mis en place une fonction de scan de photos que ça va faciliter les choses ou au contraire qu'il ne l'ait pas fait et que ça l'empêcherait de l'activer pour d'autres pays. Là encore, l'article est assez puissant en termes de démonstration sur le sujet vis-à-vis de la Chine. Et finalement, avec du recul, j'en arrive vraiment à avoir ce même arbitrage qui est présenté bah, du coup par Tim Cook pour Apple, qui est bah, en gros, il le dit évidemment avec ses mots qui sont bien plus communicants que les miens, mais si on veut être présent en Chine, on est amené à respecter la loi du pays. Et effectivement, je pense que c'est aussi simple que ça, c'est que quand tu veux être présent commercialement dans un pays, bah, tu respectes les lois du pays et après tu as le droit de dire je porte mes valeurs plus haut et donc je refuse d'être présent commercialement dans ce pays. Mais on voit bien que ces valeurs, finalement, elles sont tout à fait relatives. Et au final, j'en arrive, moi, à une conclusion qui est persistante, mois après mois, qui est assez récente, je dois dire, dans ma réflexion, qui est de dire que, plus que jamais, ces propositions de défense de la vie privée, elles sont philosophiquement fantastiques. Et je pense qu'effectivement, la somme des acteurs tech, plus ils protégeront la vie privée, mieux ce sera. Malgré tout, je pense vraiment que c'est pas pour ça que les gens... aiment les produits Apple. Les gens qui achètent des produits Apple, c'est pas pour ça qu'ils les prennent. Je pense qu'on est beaucoup embarqué dans ce discours, dans cette promesse de ce qui est dans ton iPhone reste dans ton iPhone. Mais au final, c'est pas ça qui fait choisir un appareil Apple. Je serais vraiment ravi de voir des enquêtes qui montreraient quels sont les motifs d'achat des produits Apple. Et je suis assez persuadé que déjà, dans l'ordre, le fait de protéger ta vie privée, je suis pas certain que ça arriverait dans les premiers items, en fait. Bon, je sais pas si toi, tu penses que les gens sont particulièrement convaincus par la défense de la vie privée ou que simplement c'est des discours de communicants qui ne convainquent que partiellement les gens? Après, c'est une histoire de hiérarchie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a certainement, probablement, le design, la coolitude, la hype qui sont pour beaucoup le choix des trucs Apple. Puis après, il y a évidemment la qualité des produits et des services et la facilité d'utilisation. Bah, c'est évident, hein. On va pas se le cacher. Après, oui, je pense qu'il y a quand même une certaine proportion de gens qui aiment bien cette idée de « ouais, mais c'est pas Google, moi je suis pas le produit ». Parce que c'est ça l'idée, hein. L'idée c'est de se différencier de la concurrence. À la face, il y a qui ? Il y a Facebook, Google, bon ben voilà, c'est donc vous êtes le produit chez Google et Facebook, on prend toutes vos données et on s'en sert pour les régies pub, bon ben voilà, c'est pas le cas chez Apple, enfin en tout cas, c'est pas trop, c'est beaucoup moins le cas chez Apple. Et globalement, oui, je pense que ça parle à une certaine proportion de gens. Est-ce que c'est à quelle proportion, justement, quantitativement, ça, franchement, j'en sais pas. Je pense que c'est un axe de communication très fort parce que il peut que recueillir l'engouement, mais en fait, derrière, je suis pas convaincu qu'il active beaucoup de d'achats à lui tout seul. Ils sont revenus d'ailleurs un petit peu aussi, hein, comme quoi, régule-moi, ça me fait du bien. Ils sont un petit peu revenus aussi sur certaines règles publicitaires qu'ils s'appliquaient à eux-mêmes sur leur propre App Store Apple. On sent qu'ils se savent surveiller. Bon, on en vient au gros sujet de cette émission. Alors je dois vous le confesser, quand Guillaume a échangé sur les notes de l'émission dans le conducteur avant qu'on enregistre, il a dit: est-ce que tu te rends compte qu'Abba va se reformer? Mais j'étais un petit peu interpellé, je me disais, en fait j'ai pas suivi, c'est quoi cette histoire? Abba se reforme, j'avais absolument pas suivi l'actualité. Mais quelle actualité, Guillaume? Raconte-nous ce qui se passe avec ce groupe mythique. Écoute, moi je sais pas, si ça c'est pas une preuve qu'on vit dans une simulation et que le mec aux commandes s'emmerde et il essaye un peu n'importe quoi. Je veux dire, après l'élection de Trump, la pandémie, les catastrophes climatiques, Kanye West, on pouvait déjà se douter que quelque chose avait basculé, mais là franchement, d'ailleurs... Bon, les auditeurs de plus de 50 ans trouveront ça super. Non, je charrie. Je sais, Abba, c'est inexplicablement populaire chez à peu près tout le monde. Ouais. Ça reste un mystère total pour moi, mais je juge pas. Donc, super. Mais quel âge ils ont, au fait, les mecs et les filles d'Abba? Je dirais pas tout jeune. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais pas tout jeune. Bah, le groupe, il s'est séparé en 82 quand même. Donc, Agnetha, elle a 71 ans. Annie Fried a 75 ans. Benny, 74. Et Björn, 76. C'est un peu beaucoup, peut-être, pour une tournée mondiale, quoique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Ils vont monter sur scène façon Mick Jagger? En fait, non. Abba ne partira pas en tournée, mais les avatars vont partir en tournée. J'adore ce terme. Évidemment. Les avatars. Parce que les quatre Suédois sont fait scanner sous toutes les coutures, hein, en parlant, chantant, dansant, etc. Le tout a été capté et digéré par ILM pour produire un concert complet, mais façon Hatsune Miku, avec des personnages de synthèse en 3D. Ouais, c'est vrai. Donc les papis et les mamies ont enregistré le concert en tenue de motion capture, bon, évidemment c'est assez rigolo à voir, et le tout est projeté sur donc des avatars, qui sont photoréalistes, des chanteurs, mais évidemment des avatars qui ont 40 ans de moins, tant qu'à faire. Donc Voyage sera un nouvel album, et des concerts aussi, une suite de concerts à travers le monde, comme à la grande époque. Donc le disco de papa est de retour, dans ta face, et il a pas pris une ride, parce qu'il y a à peu près 2000 ingénieurs, artistes et techniciens qui se sont assurés que justement il n'y aura pas une seule ride. Donc les quelques images de preview qui ont été données lors de la révélation, là, il y a eu une vidéo, donc ça a été en direct sur YouTube. Donc il y a eu une vidéo fracassante de cette révélation fracassante de la semaine, voire de la décennie. C'était plutôt convaincant, la tronche des avatars. La compression YouTube aidait pas mal, je pense, pour l'aspect photoréaliste du truc. On se rend pas forcément compte, ouais. Mais je pense que de loin, avec les effets lumière et la fumée, on n'y verra que du feu. C'est normal, puisqu'il y a de la fumée. Donc Abba est de retour, et en virtuel, et voilà, et comme ce sont désormais des entités numériques, ils sont là à jamais, et c'est positivement terrifiant. C'est pas eux qui chantaient « Money, money, si, money ». Si, bien sûr que si. Forcément. Allez, on continue dans la voix, et quelque part dans la voix. Bon, vous avez compris, Abba, chanson, voix, donc on va encore parler de voix, mais aussi de simulation, parce qu'on a un acteur qui a eu des soucis de santé, et qui malheureusement n'a plus sa voix, mais qui va être présent dans un film, vous connaissiez très très bien, je pense, au moins en image, Top Gun. Il y a Top Gun 2 qui va arriver l'année prochaine, et malheureusement on a Val Kilmer qui a perdu sa voix, mais Guillaume, va bien, l'industrie tech a trouvé la solution. Mais oui, une autre histoire. C'est une histoire qui, je dois l'avouer, m'a presque touché, celle de Val Kilmer dans le prochain Top Gun, parce que moi j'avoue, j'aime bien Val Kilmer, il a une énorme filmo, bon je n'ai pas vu le dixième, mais bon, il est quand même, voilà, Top Gun, Willow, The Doors, tu vois, True Romance, bon. Il y a un Batman aussi, je crois. Batman Forever, ouais, il y a Heat, bon. Donc, globalement, on vient en plus de découvrir que c'était un vidéaste compulsif, parce qu'il filmait absolument tout au caméscope. Et il a des centaines d'heures de moments privés en VHS et de souvenirs de sa vie. le mec a côtoyé, t'imagines tous les toutes les pointures que le mec a côtoyé au quotidien, il a tout ça en VHS en fait, donc ça doit être une mine. Qu'est-ce que incroyable. Ça aurait été s'il avait eu un smartphone? Bah, il aurait fait exactement pareil, parce que là... Mais bon, bref, voilà, Val Kilmer a eu un cancer de la gorge en 2015, et il a plus de voix. Donc pour un acteur, c'est quand même extrêmement chiant, mais plus de voix dans le sens où on a vraiment du mal à comprendre ce qu'il dit, c'est-à-dire, tu vois, c'est pas juste, il est, voilà, il est vraiment complètement à faune. Et pourtant, il joue quand même le rôle qu'il avait dans le premier Top Gun, donc c'est le rôle de l'ex-rival de Tom, hein, dans le prochain film, Maverick, il joue encore le rôle de Tom, le rôle de l'ex-rival de Tom, donc Iceman, et donc Maverick qui sort désormais en 2022, tout comme l'extension Avion Chase pour Flight Simulator, ben, mais je suis pas amer, je suis pas amer. Donc, rebref, comment est-ce possible qu'il puisse parler dans Top Gun? Eh ben, il y a un modèle de deep learning qui a écouté Val Kilmer parler pendant des heures, pour avoir une idée de sa voix, quoi, et savoir la synthétiser. Et là, les VHS de Val Kilmer, elles ont été précieuses, parce qu'il fallait entraîner le modèle sur quand même beaucoup, voilà, sur énormément de durée. Donc, pour entraîner le modèle, ces VHS ont été précieuses. Malheureusement, déjà, il a fallu nettoyer tout ça, ça a dû être une horreur, tout n'a pas dû être exploitable. Mais bon, il y a quand même eu suffisamment pour créer plusieurs modèles, mais pas pour créer un modèle parfait. Et finalement, ils ont créé plusieurs modèles, et c'est Val lui-même qui a choisi celle qui lui paraissait le plus proche, en fait, de sa voix originale. Et donc, dans le film, Val Kilmer aura une sorte de chirurgie reconstructrice de la voix numérique. Donc, ces répliques seront dites par un algorithme, et ensuite, il faudra greffer les émotions dessus, en post-prod, en gros. Donc, c'est un boulot monstrueux, mais qui permet quand même à Kilmer d'apparaître dans le film comme si de rien n'était, comme s'il avait jamais eu de cancer. Donc on verra un Val Kilmer qui n'est pas tout à fait finalement le vrai Val Kilmer. Alors notez bien que Sonandic, qui s'occupe de ça, propose ses services à d'autres, hein, tous ceux qui se clonaient leur voix, pour jouer dans plusieurs films en même temps, par exemple. Ou on peut aussi retoucher des voix abîmées, des voix fatiguées, des voix malades. Pourquoi pas virer des lignes maldites? Tout est possible en fait. Hein. Et remarque bien, si on peut revoir les Abba en mini-jupe à paillettes sur une nouvelle chanson, cloner la voix d'un acteur, finalement, c'est pas si incroyable. Mais quand même, ça pose des questions. Enfin, déjà, ça pose des questions de la pertinence de tout ça, quand même, hein, parce qu'il y a mille manières de contourner le problème de Kilmer. Hein. Tu peux intégrer sa maladie dans le scénario, par exemple. Hein, tu peux, voilà. Tu peux tout simplement prendre un autre acteur, hein, évidemment. Ou tu peux laisser le personnage en retraite. Hein, je veux dire, bon, ça se passe bien après, tu vois. Bon, bref. Mais bon, pour Abba, c'est pire, hein, finalement, tu vois, parce que bon, le disco plaît toujours. Bah, ok, super. Voyage, c'est une entreprise technologique extrêmement complexe et coûteuse, hein, faut voir. Après tout, si le disco est aussi populaire, hein, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des groupes de jeunes qui en font, juste, et puis voilà, tu vois. Désormais, Abba peut se produire pendant encore 50 ans, tu vois, il suffira de prendre des acteurs, probablement Andy Serkis pour tous les rôles, et de faire appel à Sonantic pour leur voix, et à GPT-4 pour les paroles. Voire à GPT-2, en fait, ça pourrait suffire pour les paroles. Et hop, c'est reparti pour un tour, voilà, pour un World Tour 2089. Donc, la possibilité des clones numériques pose tout un tas de questions, finalement. Et désormais, elle se cantonne plus au monde du showbiz, et à ses énormes budgets, quand même, hein. Elle concerne tout le monde, avec par exemple Hour One, donc cette boîte israélienne. Ce que je trouve quand même sympa dans ces actus autour, on va dire, de la série deepfake du monde, enfin non, c'est mal qualifié de dire que c'est deepfake, mais ces sujets-là, en tout cas, ils sont portés par des personnes qui sont encore là. Et je trouve ça beaucoup plus agréable à traiter comme actualité autour de la simulation de la voix, de la simulation de la personne, parce que les personnes sont là. Bon, nul doute que quand les chanteurs d'Abba seront tous décédés, évidemment le groupe sortira des nouveaux albums, et inutile de dire que si Val Kilmer devait décéder, je ne lui souhaite pas évidemment, mais il pourrait y avoir un Top Gun 3 tout autant, mais je suis plus à l'aise sur le fait qu'on aborde ces sujets avec eux, et quelque part la présence de Val Kilmer peut aussi aider dans le fait que lui il peut dire quelle intention de voix il aimerait donner à ce que donne l'algorithme, quelle émotion il aimerait partager dans ce qui est restitué par l'algorithme. Donc bon, je trouve ça plutôt cool de bosser ça de leur vivant, en tout cas. Une sombre histoire, Guillaume, pour presque clore cette rubrique, autour de gens et de clones. C'est très bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Guillaume? Mais j'évoquais Hour One, donc la boîte israélienne. Voilà, pour dire que finalement, maintenant, les clones de synthèse concernent tout le monde, puisque je pense que c'est Hour One, c'est une des premières boîtes où tu peux louer ton visage. Donc le principe, c'est du deepfake, hein, tout simplement, mais pour le business de la vidéo professionnelle. Donc je peux aller avec mon charmant minois, n'est-ce pas, chez Hour One, donc Hour One, une heure une, voilà, tout simplement, et passer quelques heures donc à lire des trucs filmés sous toutes les coutures, comme ça. Puis après, ben, toutes ces données, évidemment, elles sont digérées par un modèle, hein, qui pourra produire des vidéos de moi qui dit absolument n'importe quoi. Donc, je peux devenir concessionnaire auto, agent immobilier, hôtesse d'accueil, assistant de langue, voilà, et c'est des vidéos qui sont produites à la demande du client, avec des voix de synthèse pour les moins chers ou des voix d'acteurs pour les plus chers. Donc, je pourrais donc me voir faire la pub pour Steradon et être payé pour, voilà, parce que j'ai un royalty sur chaque utilisation. Et quand on y pense, c'est une aubaine sur plein de secteurs, hein, puisqu'il y a un des principaux clients d'Hour One, c'est Berlitz. Berlitz qui doit pisser des centaines d'heures de vidéos de lecture dans 150 langues. Bon. Donc, c'est quand même sans doute perturbant, hein, pour soi et les proches de voir dire un truc, de se voir dire un truc qu'on n'a jamais dit. Il faut juste accepter, en fait, hein, je pense, hein, qu'aujourd'hui, bah, il est techniquement possible de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Bon, c'est déjà le deepfake, c'est presque vieux. Les modèles s'affinent sans cesse et se professionnalisent, surtout, hein, la preuve. Donc le deepfake disparaît pas, c'est devenu un outil de retouche vidéo, comme un autre. Et évidemment, ben, ça doit changer notre perception de ce qu'on voit, déjà. Et puis, ben, ça change aussi pas mal de trucs sur le plan de l'emploi, parce que même si c'est chiant, tourner 200 heures de vidéo pour Berlitz, ben, c'est quand même du boulot. Et c'est du boulot qui permet de s'acheter des pâtes, et peut-être même de la sauce pesto. Bon, quel déficit d'heures de travail ça représente chaque modèle, enfin chaque personne qui va chez Hour One. Sans doute des centaines, peut-être des milliers. Et donc, ça bouleversera complètement la demande d'un acteur, tu vois, du secteur, quoi. Donc, c'est quand même une autre facette de l'automatisation qui continue, quoi, hein, voilà, sans faiblir. C'est une étape de plus dans cette avancée autour du deepfake qu'on a commencé à vous relayer. Il y a de ça pas mal de temps maintenant. Où est-ce que ça s'arrêtera ? Probablement bah, nulle part. Un petit mot pour terminer avec une toute autre composante, celle des smartphones. Avec Samsung qui augmente ses prix autour des processeurs, Guillaume. Ouais, Samsung annonce un nouveau capteur photo aussi d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu ça, le ISOCELL HP1, 200 mégapixels. Avec beaucoup, beaucoup de mégapixels, voilà. Alors, on se demande à quoi ça sert d'ailleurs. Eh ben justement, ce truc possède des caméléon cells. Alors, 200 mégapixels, ça peut vous paraître excessif. Sachez qu'il n'en est rien, parce que déjà, on n'a jamais trop de pixels. Mais surtout, ceux du HP1 peuvent se grouper, en fait, en 4x4 ou en 2x2, pour tout simplement capter plus de lumière. Donc au final, tu peux avoir un capteur de 50 mégas ou de 12 mégas, mais qui sont plus ou moins sensibles. Et même en mode 50 mégapixels, de toute façon, tu peux déjà filmer en 8K, hein, y a pas de souci. Donc les pixels font 0,6 micromètres, mais Samsung propose aussi un nouveau capteur avec des pixels à 1 micromètre, à 50 mégapixels seulement, donc avec plus de sensibilité. Bon, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Mais tu le disais, oui, il y a une moins bonne nouvelle, parce que, enfin, moins bonne nouvelle, ça reste à voir, hein, c'est que Samsung, comme TSMC, hein, qu'on en avait parlé, monte ses prix. Pénurie oblige. Voilà. Donc, comme TSMC, c'est aussi entre 10 et 20%, selon le process, plus pour l'entrée de gamme que pour l'haut de gamme. Ça serait pour donc 4 à 5 mois, alors que TSMC augmente ce mois-ci. Bon, même cause, mêmes effets, hein. Grosse pression sur les fabricants, qui doivent construire des usines tout en maintenant la recherche et développement au taquet. Ben tout ça, ça demande énormément de sous, d'où une hausse des prix. Voilà. Samsung a quand même annoncé 205 milliards d'investissements pour les semi-conducteurs, TSMC une grosse centaine, ou au Texas d'ailleurs il veut construire une usine de 17 milliards. D'ailleurs, t'as vu passer, mais chez nous, en Europe, Intel arrive et veut dépenser 80 milliards aussi pour augmenter ses capacités. Donc peut-être que les consommateurs vont avoir droit à une petite hausse de prix, c'est pas complètement sûr, hein. Au final, peut-être qu'on sortira aussi par le haut de cette crise historique des composants. Mais est-ce que c'est pas un peu tardif par rapport au début de la crise des composants de la part de Samsung ? Est-ce qu'on n'est pas un peu tard dans l'augmentation des prix ? Sous-entendu, pardon, excuse-moi, c'est pas très clair ma question. Sous-entendu, est-ce que si c'était lié à la crise des composants uniquement, est-ce qu'elle aurait pas dû avoir lieu plus tôt ? Est-ce que le fait qu'elle intervienne maintenant ne donne pas un petit peu un sentiment de voir des entreprises vouloir profiter et tirer leur épingle de jeu de cette situation ? Non, bah, la crise des composants, on l'a pas vu venir bizarrement. Pourtant, ça faisait des années que ça commençait à monter, en fait. Mais bon, la pandémie a précipité les choses, donc maintenant qu'il y a la crise, bon, bah, il y a crise, il faut construire, il faut investir, donc du coup, bah écoute, voilà, hein, okay. On monte les prix, okay. En conséquence, non, je pense que, oui, ils auraient peut-être pu effectivement faire ça il y a 6 mois, enfin, je veux dire, ou faire ça tout de suite. Ça aurait pas été plutôt déconnant. Plutôt que dans 6 mois, ça aurait tout à fait été possible, bien sûr. Oh, puis en même temps, ils auraient fait ça aussi vite, on aurait dit, ouais, d'accord, ils perdent pas de temps, quoi, donc effectivement, c'est toujours compliqué. On enchaîne avec une rubrique jeux vidéo, à commencer par une directive qui vient des autorités chinoises qui ont décidé, Guillaume, de faire comme moi avec mon fils, c'est-à-dire de lui limiter le temps de jeux vidéo par semaine. Ouais, mais enfin, le contrôle parental, ça rigole pas en Chine, hein. Parce que quand papa Jinping s'y colle... Je rigole pas non plus, moi. Ouais, mais est-ce que tu limites à 3 heures de jeu en ligne par semaine ? Non, j'en fais. Alors en ligne, il en est pas encore là. Mais non, 3 heures de jeu tout court par semaine, ce serait un peu trop léger pour lui, je pense. Ouais, parce que là, c'est 3 heures de jeu en ligne par semaine qui est autorisé. Et rends-toi compte, puisque Aloy est en guest star dans Genshin Impact. Rends-toi compte, c'est de la maltraitance. Donc, du coup, en plus, c'est aux éditeurs de vérifier l'identité et l'âge des gamins connectés. Et donc, bah, bien sûr, des compagnies ont d'ores et déjà mis au point business pour le transfert de compte, la location de compte. En tout cas, pour le MOBA Honor of Kings, hein, qui fait un énorme carton en Chine, lequel demande d'ailleurs ta véritable identité. Donc, tu peux aussi louer un compte, de majeur, en fait, tout simplement. Et Tencent n'est pas du tout content, il poursuit ici tout azimut. Il a même mis au point un système de reconnaissance faciale pour les minots, qui les vire automatiquement après 22 heures. Bon, voilà, c'est l'escalade. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ça va quand même hyper loin en matière de limitation, mais bon, écoute, chaque pays fait ce qu'il veut chez lui. Du côté de la PlayStation 5, un petit upgrade proposé par Sony, Guillaume. Ouais, Sony après ça te vautrait avec sa com sur Horizon Forbidden West. Va finalement offrir la mise à jour PlayStation 5 gratuite à ceux qui ont acheté la version PlayStation 4. Bon, alors ses plans, c'était de le faire uniquement pour ceux qui achetaient les éditions les plus chères. Je sais pas lesquelles, parce qu'il y a à peu près 67 éditions de Forbidden West, je veux pas le savoir. Qui sont assez chères. Mais voilà, bon, c'est une stratégie assez idiote, hein, puisque du coup, ils ont dû faire marche arrière, et que du coup, tu as désormais le choix entre acheter une version PlayStation 5 à 80 balles, ou une version PS4 à 70, que tu peux upgrader en version PS5 pour rien. Donc t'as le choix de dépenser soit 70, soit 80 balles pour le même jeu. Vous faites comme vous voulez en tous les cas. Pour les Il y en a un qui a moins d'étapes que l'autre. Oui, c'est ça, c'est plus simple. Bon. Pour les prochains jeux, ce sera 10 balles l'upgrade, comme ça au moins c'est plus clair. Mais bon, puisqu'avec on est sur Sony, autant finir sur les prochaines consoles. Et oui, les prochaines consoles, déjà, on parle déjà des prochaines consoles. Bon, attention, ce sont des rumeurs, des fuites, hein, tout ça, il faut rester très prudent. Mais il se murmure que la PS5 Pro est prévue pour fin 2023 et qu'elle coûtera entre 600 et 700 dollars et qu'elle aura de nouveaux composants AMD, peut-être avec des fonctions en plus, au-delà évidemment de la puissance supplémentaire, puisque quand même, hein, version Pro oblige. Et du côté de chez Microsoft, on préparait aussi des nouvelles versions des séries S et X. Alors, c'est pas ultra étonnant, les fabricants de consoles se ruent sur les nouveaux process dès que possible, hein, donc pour proposer des révisions slim à peu près à chaque fois. Mm-hmm. Donc, ce serait du 6 nanomètres pour les prochaines révisions de la X et S. Donc, la série S serait un peu plus puissante, avec 5 teraflops contre 6. Non, contre 4. Je m'embrouille. Bon, enfin, en tout cas, elle serait un peu plus puissante. Un boost toujours appréciable, c'est absolument pas confirmé, hein, mais honnêtement, ce serait pas du tout une surprise, puisque ça reproduirait globalement ce qu'on a vu sur la gen précédente, puisqu'on se souvient que la Xbox One S était légèrement plus puissante que la Xbox One d'origine. Voilà, on saura rien de plus avant 2023, de toute façon, il va savoir peut-être qu'à ce moment-là, il y aura même des consoles en rayon, peut-être. C'est des rumeurs, mais même sans ces rumeurs, on se serait douté qu'ils avaient des plans de développement d'itération complémentaire de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, en l'occurrence. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cette émission et tes explications très complètes sur chacun des sujets. Il est temps de rappeler aux auditeurs que si jamais ils ont apprécié l'émission, qu'ils n'étaient pas convaincus en intro de nous soutenir sur Patreon, eh ben ils peuvent maintenant le faire, patreon.com/techcafé. En plus, ils peuvent voilà libérer leur cerveau de toute l'attention qu'il faut consacrer à Tech Café pour se consacrer pleinement à la consultation de ce site et aller nous soutenir. Évidemment, ça nous fait très très plaisir de vous voir nous soutenir. Et puis, si jamais vous voulez pas forcément encore nous soutenir, mais que vous attendez d'en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonner au podcast et à réagir sur techcafé.fr. Sachez aussi qu'on a un serveur Discord où on sera ravis de voir vos échanges. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous avec toujours un immense plaisir. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler d'ici la prochaine émission où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Écoute, probablement sur Le Bon Coin, la recherche de SingStar ABBA, puisque voilà, je sur PlayStation 3 que j'avais à une époque et qui probablement va falloir ressortir parce que ça va s'imposer. Il faut que tu t'inscrives sur Facebook pour Facebook Marketplace qui marche terriblement mieux que Le Bon Coin. J'ai vendu un produit, je l'avais mis sur Le Bon Coin. Il est resté une semaine, j'ai eu un contact de truand, on peut le dire, et je l'ai mis en ligne cet après-midi sur Facebook Marketplace et il est parti ce soir après avoir eu 8 ou 9 demandes, exactement la même annonce. Donc vous savez, maintenant les ventes d'occasion se font sur Facebook Marketplace. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Que j'avais cité au début du précédent épisode. Alors, je renouvelle, évidemment. Je renouvelle.